Je me fous de tes yeux, je me fous de ton cul, je me fous de ta bouche, des mots qui en sortent. Il y a longtemps que je ne les écoute plus, il y a longtemps que tu m'es égal. Je me fous du spleen, je me fous de ta gueule, j'ironise et toi tu pleures. Je me fous de la crème pour pas cramer, toi si tu brûles ça m'est égal. Je me fous du vent, je me fous du temps, je me fous de l'amour, bien plus que tout. Je tourne la tête, je tourne la tête pour ne plus rien voir. Je me fous de l'automne, il n'a qu'à tout flinguer. Je me fous de l'hiver, il n'a qu'à tout geler. Je me fous des saisons comme du climat. Tout ce qui se passe dehors, ça m'est égal. Je me fous du rêve sur toute la peau. Je me fous du reste, la mer dans le caniveau. Y'a des endroits qu'on nettoie et qui chlingue, mais ça m'est égal. Je me fous que tu pars, d'ailleurs je t'accompagne. Je me fous que tu me laisses, je me fous du vide. Je pourrais crier sans que tu aboies, je pourrais crier. Je me fous du vernis qui s'écaille, d'ailleurs je préfère gratter jusqu'aux entrailles. Je me fous de paraître, je me fous d'être beau. Autour de moi, il n'y a que dalle. Je me fous de la mort, elle peut tout prendre. Les rivières, les forêts, les prairies, les collines. Je me fous que t'aies peur, je me fous que t'aies mal. Je me fous de souffrir, ça m'est égal. Je me fous que tu pars, que tout le monde se barre, qu'ils évacuent. Je me fous d'être seul, je pourrais crier sans qu'ils aboient, je pourrais crier. We'll be right back.